Le homepage d'Internet de la FIFA, les presses européennes et la télévision centrale chinoise ont rapporté la nouvelle que l'équipe coréenne de football féminin s'est classée première à la Coupe du Monde pour dames de moins de 20 ans 2016 de la FIFA.